Je suis d'origine britannique, mais je travaille en ce moment en Pologne. Mais j'habite à Berlin, alors c'est un peu le trajet toutes les semaines comme ça. Je travaille à Poznan, c'est dans l'ouest de la Pologne. C'est dans la faculté d'anglais. C'est une faculté d'anglais, c'est la seule en Pologne comme ça. Mais dans la faculté, il y a la section celtique. Alors on a une petite, très petite section de celtique où on enseigne principalement le gallois et l'irlandais. On reçoit des bourses du gouvernement irlandais pour enseigner l'irlandais. En ce moment, il y a une trentaine d'étudiants qui étudient les langues celtiques et les cultures celtiques. Oui, c'est un peu le... Stéphane m'a aidé si je ne trouve pas le mot en français exactement, le background. En français, ça va aller, j'espère. J'étais étudiant de français ici il y a très longtemps, aux années 80. Ça n'a pas vraiment beaucoup changé, mais un peu quand même. Mais enfin, voilà, je suis néo-francophone. Alors pour aujourd'hui, je vais parler des Lempkowiens en Pologne. C'est une très petite minorité en Pologne qui en ce moment sont en train de se redécouvrir, parce que je vais expliquer leur histoire qui était très troublée. Mais non, c'est une minorité que j'ai étudiée un peu en Pologne. Je vais présenter un peu les fruits de ma recherche là-dessus. Alors, les Lempkowiens sont reconnus comme une minorité ethnique en Pologne, conformément à la loi du 6 janvier 2005 sur les minorités nationales et ethniques, et sur... c'est pas bien marqué là, c'est sur la langue régionale. En Pologne, il y a une seule langue régionale, c'est comment dire en français, le cachou. Ouais. C'est la seule langue régionale. Il y a beaucoup d'autres langues minoritaires et ethniques, mais il y a une seule langue régionale. C'est pour des raisons politiques qu'on dit ça. Mais en ce qui concerne le Lemko, c'est reconnu comme une minorité ethnique en Pologne. Et cette loi accorde un certain nombre de droits aux minorités en Pologne qui leur permettent de créer des associations culturelles, d'utiliser la langue dans les domaines privés et publics, et de recevoir un enseignement dans leur langue. L'université Magochi a noté que de tous les Ruten, et c'est un terme que je reviens là-dessus, les Lempkowiens avaient eu le passé le plus difficile, car de 1945 jusqu'à 1947, presque toute la population, c'est-à-dire environ 180 000 personnes, a été réinstallée en Ukraine soviétique ou déportée vers l'extrême ouest de la Pologne, en particulier en Silésie, c'est-à-dire dans ce coin-là. Cela est dû en grande partie à l'activité militaire dans la Pologne d'après-guerre, menée par des partisans ukrainiens qui visaient à incorporer l'est de la Galice dans l'État ukrainien, et avec lesquels les Lempkowiens étaient soupçonnés de collaborer. Ces Lempkowiens et leurs descendants vivent maintenant dans des zones très étendues, les soi-disant territoires occidentaux récupérés. C'était la Silésie, la Poméranie de la Pologne. À l'exception de quelques 10 000 à 20 000 de Lempkowiens qui, en 1957, ont été autorisés par le gouvernement communiste à revenir dans leur région d'origine, c'est-à-dire la Lemkovina, dans le sud-est de la Pologne. Ça veut dire ici. Actuellement, il reste difficile de déterminer avec précision le nombre actuel de Lemkoviens en Pologne. Le nombre de Lemkoviens est actuellement estimé à 50 000 personnes, mais selon le recensement polonais de 2011, cependant, leur nombre est beaucoup plus faible, avec 6 000 personnes ayant déclaré une nationalité lemkovienne, 4 000 une identité double, c'est-à-dire lemkovienne polonaise, et 1 000 une identité double qui était lemkovienne avec une autre identité non polonaise, c'est-à-dire ruthène, ce qui donne un total de 11 000 lemkoviens en Pologne. Alors, c'est difficile à définir qui est lemkovien, qui s'identifie comme lemkovien. La communauté lemkovienne est divisée. Lorsque la question de la langue et de l'identité des lemkoviens se pose, il semble y avoir peu de consensus sur le fait que les lemkoviens soient un peuple et que le lemkovien soit une langue distincte, ou si c'est un dialecte. D'un point de vue juridique, le lemkovien, en tant que langue distincte d'une minorité ethnique en Pologne, a été officiellement reconnu en 2001. Malgré cela, les chercheurs ont des approches différentes en ce qui concerne la prise en compte de cette variété linguistique slave de l'Est. Fontanski et Chomiak, par exemple, considèrent le lemkovien comme langue autonome, alors que Magotti, un chercheur américain, le considère davantage comme une variété locale d'un complexe linguistique ruthène. D'autres commentateurs considèrent toutefois que le lemkovien est un dialecte de la langue ukrainienne. Rieger affirme que la majorité du vocabulaire lemkovien est partagée avec la langue ukrainienne. Et Weshif affirme que toutes les caractéristiques qui différencient le lemkovien de la langue standard ukrainienne sont sans importance. Du point de vue culturel et religieux, les lemkoviens ont toujours été considérés comme ethnographiquement distincts des peuples voisins. Il y avait des caractéristiques distinctives dans leur exploitation agricole et dans l'apparence de leurs fermes, l'architecture des églises orthodoxes lemkoviennes et les costumes folkloriques lemkoviens, ainsi que leur foi religieuse, où on peut voir les influences d'un culte de la nature. Il reste une division religieuse importante parmi les lemkoviens, dont la majorité adhère à l'église grecque-catholique ukrainienne, alors qu'un groupe important d'entre eux a rejoint l'église orthodoxe au début du XXe siècle. Les lemkoviens dans la Pologne actuelle, on peut dire en plus, ont hérité d'une triple identité, ou plutôt de trois orientations distinctes. L'orientation ancienne russe, l'orientation russophile et l'orientation ukrainophile. La plus ancienne, l'orientation ancienne russe, met l'accent sur l'appartenance des lemkoviens à une famille slave de l'Est. Et comme l'a dit Dutch Pfeiffer, elle l'a résumé ainsi, « Nous sommes ruthènes sur la terre de Dieu, et en tant que ruthènes, nous avons notre propre famille, nos rites, notre langue et notre foi. » Le terme « ruthène » utilisé par le camp ancien russe est associé à la foi catholique grecque, une appartenance à l'empire des Habsbourg et une langue littéraire distincte, différente du russe et de l'ukrainien. La deuxième orientation nationale des lemkoviens, la russophile, souligne l'importance de l'existence d'une seule nationalité ruthène ou russe, composé de trois groupes, les grandes russes, les biélorusses et les ukrainiens. Ces russophiles ont préconisé l'utilisation du russe comme langue littéraire commune. L'orientation ukrainophile La troisième est opposée aux deux premières et considère les Russes, les Biélorusses et les Ukrainiens comme trois nations complètement séparées. Les ukrainophiles ont soutenu l'utilisation d'un langage populaire, lemkovien, et un concept d'identité ukrainienne, lemkovienne, comme un ensemble de traits caractéristiques pour les habitants de Bukovina, la Ruthénie des Carpates, la Galice orientale et les peuples qui vivaient dans la partie sud-ouest de l'Empire russe. Alors, en ce qui concerne la langue ruthène, on a essayé de normaliser la langue ruthène dans un cadre transnational. En particulier pour les lemkoviens en Pologne, cela veut dire que les planificateurs linguistiques les ont considérés comme une sous-ethnicité dans un cadre de référence plus large pan-ruthène. Le premier congrès de langue ruthène a eu lieu en Slovaquie en 1992. Le congrès a adopté un système avec lequel on pourrait créer une langue littéraire commune pour tous les ruthènes, en commençant avec des normes littéraires locales qui pourraient être adoptées en Ukraine, en Slovaquie et en Pologne. Ensuite, sur la base de ces nouvelles normes et avec la norme développée en 1933 pour la langue ruthène utilisée en Serbie et en Croatie, on pourrait développer une norme commune pour tous les ruthènes, suivant le modèle utilisé en Suisse pour créer la variété standardisée du romanche. Seules deux variétés ont été normalisées, la variété slovaque et la variété polonaise. Le troisième congrès sur la langue ruthène a eu lieu à Cracovie en 2007. Parmi ces résolutions, il y avait une déclaration visant à accélérer les efforts pour créer une norme commune à toutes les variétés du ruthène. Mais à ce jour, une norme commune pour toutes les variétés du ruthène n'a pas encore été convenue. Alors, pour la normalisation du lemkovien en Pologne, les premiers manuels en langue lemkovienne ont été produits pendant les années 30 et un certain nombre de journaux en langue lemkovienne ont également été publiés pendant cette période. La première description de la grammaire contemporaine du lemkovien, écrite par Miroslava Chomiak, a été publiée en 1992, la même année pendant laquelle le premier congrès du ruthène a déclaré qu'il était résolu à poursuivre les normes régionales pour les différentes variétés de ruthène. La prochaine publication importante était le premier dictionnaire lemkovien polonais de Jarosław Horaszczak. En dépit de certaines inexactitudes, par exemple des définitions en polonais plutôt que les traductions de quelques mots en lemkovien, il reste à ce jour la publication lexicale la plus importante avec un vocabulaire étendu. En 2000, la première grammaire complète de la langue lemkovienne était parue, écrite par Henryk Fotanski et Mirosława Chomiak. Son prochain numéro a été publié en 2004 avec une orthographe légèrement modifiée. Fontanski et Chomiak ne mentionnent pas le contexte plus large de la codification de la langue ruthène dans leur introduction, mais ils font quand même référence à la codification faite en Slovaquie en 1995. Il semble donc y avoir peu d'accord sur ce qui constitue le lemkovien standard, malgré les tentatives que je viens de mentionner. Ce manque d'accord est toujours d'actualité. La langue lemkovienne a été introduite pour la première fois dans le programme scolaire de l'école primaire d'Ustie Gorlickie en 1991. Au cours de l'année scolaire 92-93, conformément à la résolution sur l'enseignement des langues minoritaires du ministère de l'Éducation nationale polonaise, La langue lenkovienne a été enseignée dans les écoles de Krynica et Rozhiel. Par la suite, des leçons de langue lenkovienne ont été progressivement introduites dans d'autres écoles dans la région traditionnelle des lenkoviens, dans le sud-est de la Pologne, comme vous voyez ici. Les cours de langue lenkovienne sont généralement dispensés par des enseignants d'autres disciplines ou par des prêtres qui parlent couramment la langue. En 2000, grâce aux efforts de la société lenkovienne, le ministère de l'Éducation a permis à un groupe de 36 enseignants d'obtenir un certificat d'études confirmant leur qualification pour enseigner le lenkovien. Pour l'année scolaire 2001-2002, à l'Institut de philologie russe de l'Université pédagogique de Cracovie, la philologie russe avec une option de Ruten lenkovien a été créée. En dépit de tout cela, l'enseignement du lenkovien en Pologne connaît de nombreux problèmes. Comme l'écrit Dutch Pfeiffer, ces problèmes sont le résultat de la dispersion importante de la communauté lenkovienne, avec des niveaux élevés d'assimilation et un manque de prestige de la langue dans la promotion sociale. Tout cela contribue au petit nombre de groupes d'élèves et à la nécessité de créer des classes combinées au sein d'une même école ou entre plusieurs écoles. Le nombre le plus élevé, c'est-à-dire 339 élèves au total, ayant suivi des cours de langue lenkovien, a été enregistré en 2006-2007. Et selon les informations fournies par le Bureau central des statistiques de Pologne, pendant l'année scolaire 2010-2011, l'enseignement du lenkovien en tant que langue maternelle a été dispensé par 20 écoles primaires et groupes interscolaires, ainsi que 10 collèges et groupes interscolaires au secondaire. Au total, 188 élèves ont participé au cours. Il convient également de noter qu'il existe un petit nombre d'écoles dans les régions de dispersion des lenkoviens qui enseignent la langue aux élèves, surtout dans la Silésie et à Legnica, où on enseigne au lycée la langue ukrainienne avec des éléments du dialecte lenkovien. Alors, c'est-à-dire dans cette région ici, qui n'est pas traditionnellement la région traditionnelle des lenkoviens, mais où des populations ont été dispersées après la guerre. Le lenkovien est enseigné volontairement par l'association Lemkotar, en anglais, à Stelce Krajinskie, l'une des villes de l'ouest de la Pologne, où les lenkoviens ont été réinstallés après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans cette région ici. La Lemkota offre un cours de 2 heures pour les enfants tous les samedis. Ils apprennent la langue lenkovienne ainsi que d'autres aspects de la culture lenkovienne. En 2015, 15 enfants lenkoviens ou d'origine polono-lenkovienne y assistaient. Alors ce sont de très petits nombres d'élèves qui sont concernés. Alors, en ce qui concerne les marqueurs d'identité et de différence culturelle chez les lenkoviens, l'idée de la région de Lemkivtchichnia, difficile à dire, c'est-à-dire cette région ici, Lemkovina, comme habitat naturel traditionnel des lenkoviens est fortement ancrée chez les lenkoviens. Selon Mihalaski, un sentiment de dépaysage prévaut également chez les populations déplacées des lenkoviens en raison des différences climatiques qui provoquaient la maladie, particulièrement chez les enfants et les personnes âgées, c'est-à-dire après la dispersion. Chez les lenkoviens de la diaspora, n'étant plus dans leur habitat naturel, ils revendiquent être beaucoup moins productifs. Comme Mihalaski a dit, dans notre patrie ancestrale, nous pourrions être plus productifs et contribuer efficacement au bien-être général. Han considère que le concept du territoire lemkovien était plus important que tous les autres marqueurs d'identité et qu'un attachement au paysage est susceptible d'être plus fort que tout autre lien affectif avec une collectivité lemkovienne. Han ajoute que pour beaucoup de jeunes lemkoviens, l'identité lemkovienne est constituée de voyages occasionnels dans le village de grand-père, un week-end bruyant à un festival et peut-être une pratique symbolique et occasionnelle de certaines fêtes religieuses au sein de la famille. En parlant des fêtes et festivals, il y a un certain nombre de festivals appelés Vatra, ce qui veut dire feu de joie, qui ont lieu en Pologne chaque année. Maintenant, je voudrais me référer au Vatra de Gdynia, c'est-à-dire dans le sud-est de la Pologne, où un festival a eu lieu depuis 35 ans. Pour cet endroit particulier, l'idée de patrie est primordiale. Gdynia est située au cœur de la patrie historique du peuple lemkovien. C'est aussi un des endroits d'où l'opération Vistule a été mise en œuvre. J'ai mis la carte ici, c'est la dispersion d'après-guerre. Normalement, ça s'appelle l'opération Vistule, c'est-à-dire la Vistule a été reconnue comme la frontière où il fallait disperser les gens après la guerre. En tant que tel, le site du festival attire des visiteurs de partout dans le monde et est un point de rencontre important pour les Lemkoviens partout en Pologne et au-delà. L'autre festival auquel je me réfère, c'est Świt pod Kwerczorom, le monde accueilli par Kwerczera, qui est organisé depuis 15 ans par des Lemkoviens intéressés par l'établissement de réseaux d'autres minorités ailleurs dans le monde. Il a lieu chaque année dans la ville polonaise de Legnica, l'une des destinations pour les déportés d'opération Vistule. Les chansons et les danses lemkoviens sont montrées sur scène à côté d'artistes du monde entier. Comme exemple de, j'ai dû rechercher ce mot en français, glocalisation ou global localisation, c'est-à-dire l'adaptation spécifique d'un produit ou d'un service à chacun des lieux où il est vendu ou à chacun des cultures à laquelle il s'adresse. Et selon les mots de l'organisateur du festival, qui s'appelle Jerzy Stajinski, le monde va, comme il dit, apprendre à connaître la culture lemkovienne pour qu'elle puisse être reconnue comme l'une des cultures du monde. Mettre en avant le profil des lemkoviens dans le monde afin d'être reconnu et compté parmi les minorités semble être l'un des objectifs. Un autre objectif du festival que j'ai découvert lors d'un entretien avec l'organisateur semble être la préservation de la culture lemkovienne à un niveau très concret. Alors, comme Jerzy Stajinski a dit, quand j'ai étudié en Ukraine, les Ukrainiens m'ont dit « Ne nous attendez pas pour sauver le lemkovien à votre place. » Vous, les Lemkoviens, seuls vous pouvez sauvegarder votre langue, votre culture, vos danses et vos chansons. Vous ne danserez jamais les danses ukrainiennes mieux que les Ukrainiens. Et nous, les Ukrainiens, ne danserons pas les danses lemkoviennes mieux que vous, les Lemkoviens. Et il ajoute, j'ai gardé cela à l'esprit depuis mes études à Drahobovitch. Nous devons préserver le patrimoine de nos parents, ici en Pologne occidentale. Maher affirme que l'essentialisme culturel et l'orthodoxie ethnique sont démodés. La métropolite, c'est-à-dire l'hybridité, est dans le vent maintenant. Ainsi, les festivals lemkoviens, qui visent à préserver la culture, s'engagent dans la création de la culture lemkovienne sous de nouvelles formes, des formes qui peuvent être acceptées par les jeunes générations des lemkoviens. Les groupes Lemkota, par exemple, sont populaires auprès des jeunes lemkoviens, mais même s'ils trouvent leurs inspirations dans la musique traditionnelle, ils présentent des caractéristiques de la globale localisation qui les distinguent des formes traditionnelles, mais qui sont partagées plus généralement avec d'autres formes musicales. Par exemple, la Lemkota se décrit dans sa propre publicité comme un groupe rassemblé pour répondre à un besoin dans le cœur des jeunes lemkoviens, dont les grands-parents avaient été expulsés vers l'ouest de la Pologne à cause de l'action Vistule. Le groupe met donc l'accent sur l'hybridité. Lemkota vous donne une musique, ils disent, qui ne vous rappellera pas tout à fait de celle de nos grands-parents, mais qui vous montrera le bonheur et l'énergie des jeunes lemkoviens qui sont retournés à leurs racines. La phrase « une musique qui ne vous rappellera pas tout à fait » suggère qu'ils considèrent leur propre musique comme progressiste, familière et différente tout en même temps, suivant les tendances plus larges de la modernisation de la musique folklorique ailleurs et liée à la popularité croissante de la musique du monde. De même, le texte qui accompagne l'un des CD produits par l'ensemble folklorique Krčera déclare « Les jeunes de Krčera chantent les chansons comme ils les ressentent et les comprennent à leur manière. Peut-être qu'ils chantent différemment de leurs ancêtres, mais il est difficile de chanter de la même manière si loin de leur montagne bien aimée. » Alors, maintenant, je veux montrer un peu la différence qu'il y a entre ces formes de musique. C'est une chanson folklorique de lemkovienne qui part d'un canard nageant sur la Cessina. Et pour montrer comment ça a été interprété par de différents groupes. Alors c'est une chanson de très traditionnelle des lemkoviens, mais qui a été prise par le Maïdan, si vous savez ce que c'est en Ukraine, oui, à Kiev, la révolution orange après en Ukraine. Ça a été prise par les gens là-bas pour comme une marque de nationalité ukrainienne. Alors, le premier clip, c'est une interprétation des Ukrainiennes, soi-disant. Et après, c'est une interprétation par les lemkoviens eux-mêmes, les chanteurs de la Lemkota. Alors, vous allez voir un peu la différence dans les styles. J'espère. Thank you. passe au deuxième clip maintenant. Je pense que c'est intéressant de voir que la chanson a été reprise par deux groupes différents. C'est dans le premier clip, c'est vraiment, c'est pas une chanson religieuse dans aucun sens, mais ça a été reprise pour renforcer l'identité ukrainienne nationale. Mais dans le deuxième clip, ce sont des Lemkoviens eux-mêmes. Nous ne savons pas si dans le premier clip, ce sont des Lemkoviens ou non. Mais dans le deuxième clip, ce sont des jeunes Lemkoviens qui réinterprétaient le style de la chanson dans leur propre manière. Et c'est intéressant de voir la différence qui existe. Alors, dans de tels festivals, le port d'un costume folklorique distinctement lemkovien a beaucoup d'importance pour de nombreux membres de la communauté lemkovienne, et de tels costumes peuvent renforcer les souvenirs collectifs et individuels à un niveau affectif. Pour un jeune homme qui avait une vingtaine d'années au moment d'un entretien que j'avais fait, voilà, puisque de tels costumes n'étaient pas autorisés après l'opération Vistule, sa participation au festival Vatra, où il était libre de porter ouvertement une chemise traditionnelle, était un acte de revendication à bien des égards. Pour une dame lemkovienne plus âgée, maintenant résidant en Ukraine, qui participait également au même festival, le contexte ukrainien de la chemise folklorique était de la plus haute importance. Elle m'a dit: la culture lemkovienne fait partie de la culture ukrainienne, et le lien des costumes folkloriques avec l'histoire de sa propre famille l'a rempli d'émotion. Tous les vêtements traditionnels de sa famille avaient été perdus à cause de l'opération Vistule. Il ne restait plus qu'une serviette, un rouchnik, comme ici, brodé par sa mère. Et traditionnellement, c'est utilisé pendant la cérémonie du mariage. De tels artefacts culturels, les chemises brodées, les rouchniki, se sont donc révélés à la fois relationnels et évocateurs pour les lemkoviens avec qui j'ai parlé au cours du festival. Alors, je passe maintenant aux productions, à la production littéraire, et très facilement je passe au Petit Prince, qui a été traduit dans un certain nombre de langues, et la tendance la plus récente qu'on voit est d'inclure également les langues minoritaires et régionales. Une des traductions les plus récentes a été en lemkovien par Petro Kninitsky de Gorlice. Il lui a fallu un an pour traduire le texte, car c'était le premier livre qu'il avait traduit en lemkovien. La production initiale était de 500 exemplaires, et peu après, la première impression était pratiquement épuisée. D'après le père Arthur Gabin, qui était étroitement associé à la production du livre, beaucoup de jeunes, peut-être certains d'entre eux pour la première fois, ont pris un livre lemkovien car c'était quelque chose de la littérature mondiale et ce n'était pas trop difficile à lire. Tout le monde n'était pas intéressé par des sujets liés à l'histoire ou de la vie à Lemkovina. Étant donné le manque d'alphabétisation pour de nombreux locuteurs de lemkovien, l'ajout d'un livre audio leur a donné accès au texte qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement. La production de t-shirts avec Malé Prinset est un autre moyen de promotion de la langue lemkovien. Le père Arthur Graban a expliqué pourquoi ce projet était si important pour la révélitisation de la langue lemkovien. Il a dit: je sais par les conversations avec différentes personnes qu'elles n'avaient rien lu avant Le Petit Prince qu'elles ont commencé à lire. C'était quelque chose de nouveau pour elles, quelque chose qui les touchait vraiment. Le livre a suscité l'intérêt de beaucoup de gens. Je connais des gens de notre paroisse qui ne lisent pas trop, qui ne lisent ni les périodiques lemkovien ni les livres. Et par pur intérêt, ils ont pris le livre juste pour voir comment le lemkovien s'écrit. Il y a des mots dans le livre qui ne sont plus utilisés activement. De nos jours, il y a beaucoup de mots d'emprunt polonais. Il n'y a pas de mots d'emprunt polonais dans notre livre. Et c'était intéressant pour eux de se rappeler ces vieux mots. Un exemple simple est le mot chodzen, qui veut dire profit, avantage. Nous disons ici, jak masz tego koniec? Comment on bénéficiez-vous? Mais dans le livre, on trouve le mot chodzen. Jak z tego chodzen? Quelle est l'utilité de cela? Et les personnes âgées disent on parlait comme ça dans les temps anciens. Maintenant, personne ne parle comme ça. Et il y a beaucoup d'exemples de ce type dans le livre. Ne serait-ce que pour cette raison, il valait la peine de publier le livre, afin que ces vieux mots puissent être revitalisés et que certaines personnes puissent bénéficier de ces mots. Peut-être qu'ils ne les ont jamais entendus avant ou qu'ils les ont oubliés. Et ces vieilles belles paroles méritent d'être relancées dans la langue. En outre, le père Graban a expliqué que la langue dont la traduction était basée sur la langue utilisée par les lemkoviens avant leur expulsion de leur patrie, c'est-à-dire il y a 70 ans, une langue libre de tout emprunt polonais ou ukrainien. Le traducteur a fait de son mieux pour utiliser la langue la plus authentique. Par la suite, il y a eu deux réactions chez les locuteurs de Lemko. La première réaction, certains jeunes ont commencé à utiliser certains des mots revisités dans leur discours, surtout pour les effets spéciaux. Et certains mots se sont avérés surprenants pour les générations plus âgées. Comme l'explique le père Arthur, alors dans le texte, l'homme conçu demande au petit prince tu t'es mené au bâcher, yesh, m'adorez-vous. Beaucoup de gens m'ont demandé ce que signifie au bâcher, yesh. Nous savons qu'un tel mot existe, mais plus personne ne l'utilise. Même les personnes âgées peuvent difficilement s'en souvenir, mais elles peuvent en déduire la signification, car elles savent que obojesh veut dire obust viach, adoré, défié en polonais. Selon Arthur, avant même la traduction n'apparaisse dans la presse écrite, il y avait des objections au sujet de l'âge du traducteur. Il était, selon certains, il était trop jeune, et de sa profession, parce qu'il était agriculteur, comme on dit en lemkovien, un tracteur. Un autre point qui a été noté était le mélange dialectal apparent. Arthur a souligné que les locuteurs originaires ou descendants d'habitants de régions telles que Krynica, Gojov, Kruluva, Ruska, Bereja ou Jurnia parlent dans des dialectes bien reconnaissables et que peut-être que nous aurons donc dû utiliser la mova lemkovienne d'une région particulière. Par exemple, ici, dans mon village de Wugi, les lemkoviens viennent de Mochnatchka. Ils ont leur propre façon de parler, leur mova. Cependant, une fois le livre publié, la traduction a été généralement acceptée, même par des grands noms du monde lemkovien, tels que Petro Morianka, qui a d'une manière générale émis un avis positif, même s'il aurait utilisé un autre mot ici ou là. Alors je touche à la fin maintenant. La communauté lemkovienne en Pologne parvient à rendre sa culture attrayante pour les jeunes par des activités culturelles. Il y a un engagement évident de leur part dans de telles activités. Pour les locuteurs de lemkovien plus âgés, il s'agit de la possibilité de s'identifier en tant que lemkovien, alors que ce n'était pas si facile pendant la période communiste pour eux, parce que les autorités avaient tendance à considérer les lemkoviens comme faisant partie de la minorité ukrainienne après la Deuxième Guerre mondiale. Pour les jeunes locuteurs, la possibilité de trouver une identité culturelle alternative dans une société aussi homogène que la société polonaise est aussi souhaitable dans un monde de plus en plus globalisé. Il n'y a bien sûr aucune garantie que de telles activités sauveront activement la langue. Les lemkoviens n'ont pas d'éducation immersive dans leurs écoles et leur nombre est très très faible. Cependant, comme l'a souligné Nancy Dorian, l'université américaine, si l'on se demande si les efforts de maintien d'une langue minoritaire ont néanmoins un but utile, une certaine valeur, on peut encore trouver des raisons pour répondre par l'affirmative. Ceci inclut un reversement de l'attitude officielle et une réduction possible de l'hostilité générale envers la culture minoritaire, même si la langue se perd, dans la communauté en général. La conscience de soi et la confiance en soi qui peuvent être récupérées à travers le rétablissement de la langue et de la culture lemkovienne, et enfin, pour des raisons économiques. C'est pour de telles raisons que l'on peut considérer que les activités culturelles de la communauté lemkovienne continuent d'avoir une valeur intrinsèque. Alors, je vous remercie. Ďakujem. Merci beaucoup. C'est juste 5 minutes à... C'est parfait. Oui, Cédric. Oui, on a parlé des efforts à l'école et tout ça, mais qu'en est-il de la transmission familiale? Ah, c'est très difficile parce que ça existe, mais la langue... Ce que j'ai observé dans l'Ouest, dans la Poméranie, les jeunes parlent encore le lemkovien, mais c'est un lemkovien qui est très polonisé. C'est beaucoup de, même l'accent est polonais. Et c'est très facile à remarquer. J'étais dans une famille, j'ai remarqué la grand-mère qui était là, qui avait un accent, comment dire, slave de l'Est, avec le L, quand elle parlait, mais les jeunes, non. Ils avaient un accent très polonais. Alors, eux, ce sont des jeunes locuteurs de 15-16 ans. J'imagine pas qu'eux, ils vont transmettre la langue à leurs enfants, à leur tour. Alors, c'est pas évident. Et il y a des régions, est-ce que c'est un peu partout pareil, ou est-ce qu'il y a des régions où le lemgovien maintient sa transmission familiale? Je dirais pas que c'est pas des régions, mais c'est des familles. C'est des familles particulières. S'ils sont engagés dans la culture lemgovienne, la production culturelle, si ça existe, il y a des familles, mais ces familles ne sont pas dans la région traditionnelle, forcément. J'ai connu deux sœurs à Lublin, qui est dans l'Est, mais c'est loin des montagnes, qui parlent en lemgovien à leurs enfants. Elles ont des maris ukrainiens. Mais ce sont deux familles en Lublin. C'est très dispersé en Pologne. Il peut y avoir des gens comme ça à Varsovie, par exemple, et dans l'Ouest. Mais ouais, c'est des familles plutôt que des régions. Et question subsidiaire, est-ce qu'il y a un continuum linguistique entre l'ukrainien et le lemgovien? Là, je t'ai entendu te dire « Djakouyou » en ukrainien. Ah oui. En effet, c'est écrit « Djakouyou ». Ici, c'est écrit en lemko de Slovaquie. Alors, oui, il y a un continuum linguistique. Et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord si c'est une langue, si c'est un dialecte, si ça fait partie de l'ukrainien. Il y a pas mal de lemkoviens qui disent en Pologne qu'ils sont... Comment dire, ils sont lemkoviens et ils parlent un dialecte ukrainien. Cela ne veut pas dire qu'ils se sentent ukrainiens, mais il y a une apparence avec les Ukrainiens. Oui, oui. Mais on a beaucoup parlé de la culture, mais qu'en est-il au plan politique? Est-ce qu'il y a des revendications territoriales sur le retour? Et par qui ont-ils été remplacés, d'ailleurs, par les Ukrainiens? Non, par les Polonais. Oui, c'est parce que c'est dans le territoire, là, dont... Je vais trouver la carte. Ici, c'est de très petits villages dans les montagnes, de quelques centaines de personnes. Ils ont été remplacés par les Polonais qui sont venus prendre leur ferme. Il y avait une revendication de revenir, mais après 1957, et depuis ce temps-là, vraiment, ils ne bougent pas. Les lemkoviens restent à l'ouest plutôt que... Ils ont peut-être de la famille lointaine dans les régions. Ils visitent, mais non, ils restent dans la région d'expulsion, on peut dire. Ici, j'avais une question par rapport à... En fait, on va parler de cette minorité-là, et c'est vrai que nous, en Bretagne, on entend toujours parler, par exemple, des Catalans, des Écossais, et les minorités à l'Est, c'est vrai qu'on les connaît vachement moins. Et je voulais savoir si c'était, si c'est lemkovien, ils étaient un peu insérés dans des réseaux, par exemple au niveau européen, avec d'autres minorités en fait. Et du coup, je pense au Sorabe par exemple, vu que ça reste donc des minorités slaves entre guillemets. Et si cette Europe des régions, je ne sais pas trop comment, ces réseaux qui existent depuis quelques années sont un peu une opportunité pour eux aussi, est-ce qu'ils en parlent ou pas? Non, et il n'est pas vraiment. Il n'existe pas une conscience parmi les lemkoviens des réseaux plus étendus de l'Europe, par exemple. Ils ont une conscience d'être une minorité avec les autres Slaves. C'est-à-dire, comme je disais pour ce festival de Kučera, ce sont la grande partie des participants, ce sont de l'Europe de l'Est qui vient là-bas. Et non, mais c'est un bon point pour eux, pour les lemkoviens, s'ils pouvaient découvrir ces liens plus larges dans l'Europe, dans l'Union européenne, ce serait à leur avantage. Alors il faut faire un peu de publicité. Comment? Dans ce festival, il y a des cachous bélessorables ou pas, par exemple? Est-ce que les cachous bélessorables sont invités à danser à... Oui. De toute la Pologne, oui. C'est, la minorité polonaise sont présentes. Oui. Et les autres minorités dans l'Ukraine, dans la Croatie, dans la Serbie, c'est à l'Est plutôt c'est que de... Ouais. Et est-ce qu'on a d'autres exemples de minorités qui sont passées de 180 000 personnes, hein, c'est ça que tu disais, 180 000 pendant la Deuxième Guerre mondiale, à 10 000 aujourd'hui? Ah oui, tout. On a beaucoup de minorités. Les Sorabes, c'est le même cas? Oui, les Basses, enfin, il y a les Sorabes et les Basses. Oui, mais est-ce qu'ils étaient aussi nombreux les Basses? Parce que là, au centre, c'est vraiment une réduction drastique aussi. Mm-hmm. Je c'est une famille qui parle au quotidien. Mm-hmm. Je ne connais pas les nombres des autres minorités en Pologne, mais... Mais ça diminue. Et c'est aussi le problème de s'identifier aussi pendant la période communiste. C'était très, très difficile de s'identifier comme minorité. Et tout le monde, pour la Pologne communiste, tout le monde était polonais, aucune exception. Et après la guerre, la mentalité communiste est restée. Et les gens, juste après la chute du communisme, les Lemkovien, par exemple, avaient peur de se déclarer Lemkovien. Oui, mais avec les jeunes, ça revient. Mais c'est un processus assez lent, dans ce sens. Qu'en est-il en ce qui concerne par exemple les médias et particulièrement Internet? Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des choses qui existent en Lemkovien sur Internet? Ah oui. Et est-ce que c'est un moyen justement de parer à la dispersion des locuteurs pour faire vivre un petit peu les liens entre les locuteurs? Voilà, c'est exactement ça, j'en ai pas parlé, mais Lemko Tower, c'est la Lemko Tower, c'est une association culturelle qui est très active. C'est une famille, la famille Graban, qui est très active. Les deux sœurs dont j'ai parlé à Lublin, dans l'Est, ce sont les sœurs du prêtre. Alors, eux, ils sont très actifs dans le... Sur le net, c'est la sœur, la petite sœur des autres, et c'est elle qui enregistre des émissions sur Lemko, comment ça s'appelle déjà, Lemko FM. C'est une radio internet qui transmet en Lemkovien par internet, alors qui peut être écoutée partout dans le monde. Alors, j'ai pas vraiment étudié cet aspect, mais j'imagine pour les Lemkoviens dans la dispersion comme ça, c'est un moyen, surtout pour les jeunes qui ont accès à l'Internet. Pour les gens plus âgés, c'est peut-être plus difficile à accéder à ces moyens, mais non, c'est quelque chose qui est assez actif dans ce sens. Est-ce qu'il y a des vidéos, par exemple, qui sont tournées en Lemkovien? Des vidéos? Oui, il y a des vidéos sur YouTube, par exemple, sur des festivals, surtout pour des festivals, mais pas vraiment des émissions pour les locuteurs. C'est vraiment des enregistrements des festivals. Mais aussi, c'est une direction qui peut être très utile pour eux, je pense. J'avais une autre question par rapport à au Petit Prince. Donc, c'est intéressant effectivement de voir que le Petit Prince a fixé la langue quelque part. Mais dans les écrits religieux, il n'y a pas eu des choses de faites, enfin d'écrites, notamment la Bible, des cantiques, etc., qui ont déjà commencé, enfin qui ont été un début de première façon de fixer la langue. Ouais, c'est un peu compliqué pour ce qui concerne la religion, parce que la langue de la culte, c'est pas le Lemkovien, ça dépend de si c'est orthodoxe, c'est le vieux slave, et pour les grecco-catholiques, les grecs catholiques, c'est c'est une forme de vieux polonais. Alors, parce que c'est l'Église catholique en Pologne qui est séparée des autres églises comme ça. Alors, le Lemkoviak tel qu'il est parlé maintenant, c'est pas vu comme un moyen approprié pour la religion. Mais il doit y avoir, j'imagine, je sais pas, mais il doit y avoir, j'imagine, des traductions de la Bible. Si pas maintenant, ça va arriver, parce que l'activiste, le père là, le Fanny Conné, Arthur Graban, il est très actif dans ce domaine de traduction. Et j'imagine que s'il n'existe pas, ça va arriver bientôt. Sinon, moi, j'avais une question concernant votre méthodologie. Combien de temps vous avez passé sur le terrain, et vous avez parlé, vous avez dit que vous étiez dans une famille à un moment donné, et si vous étiez vraiment en immersion parmi les locuteurs traditionnels, entre guillemets, les Lemkoviens, et du coup, quelles étaient un peu vos hypothèses de recherche, et est-ce que vous avez eu des surprises sur le terrain, enfin des choses qui vous ont étonné, ou si vous connaissiez. Ah oui, alors c'était vraiment pas une... Je n'avais pas passé une immersion parmi les gens. C'était vraiment des visites que j'ai effectuées avec des différents groupes dans toute la Pologne. Donc je n'avais pas mentionné ici, mais comme c'est dispersé, j'avais visité des gens à Lublin, par exemple, à Cracovie, j'avais visité les étudiants à Cracovie pour voir comment ça se passe avec la philologie russe, avec l'EMCO. Et dans l'Ouest, c'était des visites... Alors, c'était grâce au père Graban que j'avais pu visiter des familles où on parlait toujours le Lemkovien à la maison. Mais c'était, comment dire, un visite grâce au... en anglais, on dit gatekeeper, quelqu'un qui vous aide à entrer. Parce que si j'étais là comme étranger, parce que évidemment je suis ni Lemkovien ni polonais, j'aurais pas eu une entrée à la communauté. Et j'ai même remarqué pendant les festivals, c'était les gens, pour les gens de l'extérieur, parce qu'au festival, il y a pas mal de gens qui viennent du Canada, des États-Unis, les descendants de partout dans le monde, oui. Mais avec les gens qui continuent à parler Lemkovien, ce serait très difficile, comme quelqu'un de l'extérieur, de poser des questions comme ça, un peu direct, parce qu'il y a toujours la mentalité, comme on dit, mentalité post-communiste, les vieux gens ont toujours peur. Ils ont le sentiment de la peur d'être minorité en Pologne. Alors, oui, ça répond à votre question. Oui, mais j'imagine que très effectivement. Et aussi, c'était fait par traduction, parce que moi, je ne parle pas Lemkovien, je ne parle pas polonais, mais je ne voulais pas vraiment entrer dans une famille qui parle Lemkovien à la maison. Et moi, si j'arrive parlant polonais, ça serait... difficile pour eux. Alors j'avais eu un traducteur ukrainien qui traduisait en ukrainien, mais il répondait en Lemkovien. C'est si proche qu'ils peuvent se comprendre comme ça. Il n'y avait aucun problème. Et sur les surprises par rapport à tes objectifs, tes objectifs de recherche, qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Oui, les surprises, c'est... Oui, surtout les... On peut voir une tendance très positive parmi les gens. C'est, les faits, on voit que les faits, le nombre de locuteurs, la non-transmission de la langue qui est évidente, mais la positivité des gens, c'est quelque chose qui est frappante. Je ne sais pas si c'est une... Comment dire, c'est... En anglais, on dit whistling in the dark. In the dark, yeah. Comment dire ça? Si c'est un moyen d'ignorer les faits un peu, mais... Non, ils sont très... Les Lincolniens sont très accueillants. C'est une minorité qui est maintenant de plus en plus ouverte, qui aime bien qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent, qui s'intéressent à eux. Ils sont reconnaissants dans ce sens-là, mais ça ne va pas avec les faits qui passent en ce moment. C'est triste, ce qu'on voit. Mais... Whistling in the dark, ça veut dire siffler dans la nuit, un peu pour se donner du courage. Quoi. C'est... Ouais, ouais. On connaît ça en Bretagne. Et j'ai vu, Michael, que tu nous as dit que c'est pas très clair, hein, est-ce qu'ils veulent ou pas se rattacher aux autres rutaines ou est-ce que ce sont d'autres rutaines ou pas. Première chose, est-ce qu'ils écrivent tous, les trois, les rutaines d'Ukraine, ceux de Slovaquie et puis les Lemkoviens, est-ce qu'ils écrivent tous dans le même alphabet? Et deuxième chose, est-ce que ce ne serait pas intéressant quand même pour eux, vu le nombre, de se rattacher aux deux autres minorités rutaines? Parce que oui. Sinon, ils sont mal partis. Hein. Oui. De l'extérieur, c'est très simple. On voit qu'il y a des solutions, mais c'est toujours le cas. Enfin, toujours le cas. Mais entre une minorité comme le Mkovien, les divisions sont trop profondes dans ce sens-là. Et pour la première question, c'est... Oui, ils écrivent, l'écriture, c'est le même alphabet. En cyrillique. En cyrillique, oui, ça ne s'écrit vraiment pas en latin. Non, pas vraiment. Alors, mais pour les locuteurs des langues slaves, c'est pas vraiment un problème de transférer la connaissance. Si tu demandes à un Polonais s'il peut lire en russe, il te dira non, mais c'est des raisons politiques. Mais c'est pas si compliqué que ça. Alors, c'est tout en cri. Et il y a même, c'est un alphabet qui est propre. Et il y a des petits signes qui ne se trouvent pas quand l'aime convient, ou en rutène. Mais, ouais. Mais pour. Non, c'est une question de religion, c'est une question de. Un peu. Oui, d'orientation, si on se sent partie de la nation ukrainienne ou non. Et c'est un contexte polonais, plutôt, parce que la situation des Ukrainiens, même actuellement en Pologne, c'est difficile. C'est toujours... on a de longues mémoires en Pologne. Il y avait... beaucoup de gens, beaucoup de Polonais qui ont été tués par les partisans ukrainiens. Et s'il y avait maintenant, s'il y avait des Lemkoviens qui se disaient ukrainiens, ça, pour beaucoup de Polonais, c'est comme les... Une trahison, quoi. Une trahison, c'est pour eux, c'est comme la vieille génération des Polonais, leur attitude vers les Allemands, par exemple, c'est la même chose. Ils ont été attaqués par deux, plusieurs côtés. Et oui. Il vaut mieux être... S'ils se disent Lemkovien polonais, ils font quand même partie de la nation polonaise. Ils sont pas si différents. Ils sont quand même citoyens polonais. Et pour eux, c'est plus sauf. Être comme ça. Alors, et avec les rutènes de Slovaquie, il n'y a pas plus de passerelles? Si, ça existe. Surtout avec L'EMCO vient à Routen, qui s'identifie. Ouais. Mais ce n'est pas un grand nombre de gens. C'est plutôt. Si c'est dans, les, c'est dans la, le sud-est, plutôt, qu'il y a des, ces gens, c'est un mille de gens qui. Parce que c'est très proche de la Slovaquie. Oui, mais ça, oui, ça existe, mais pour unifier le, la communauté de l'EMCO vient, non, ça ne va pas arriver de nos jours. Est-ce qu'avec actuellement, là, donc en Pologne depuis peu d'années, là, il y a un gouvernement qui est très nationaliste, est-ce que ce gouvernement ne va pas chercher à écraser ces petites minorités-là plutôt que de les aider ou... Pas officiellement, oui, mais oui, certainement. C'est... En ce moment, j'ai un collègue qui essaie, c'est un linguiste polonais qui travaille sur une très petite langue, une variété germanique ici qui ça devient plus, de plus en plus connu. De, ça s'appelle Wilamowice. C'est un petit village où il y a quelques 80 personnes qui parlent toujours un dialecte allemand. C'est allemand, c'est pas allemand, pas allemand, ou même flamand, ils disent parfois, mais qui n'est pas reconnu par les autorités. C'est pas l'allemand, c'est pas l'allemand quand il y a des minorités ici qui parlent allemand, des gens âgés. C'est un autre allemand, ça date depuis les Moyen-Âge, c'est très différent. Et l'orthographe, c'est complètement rien à voir avec l'allemand. Mais mon collègue, là, il essaie de persuader le gouvernement polonais en ce moment de reconnaître cette langue et en même temps de reconnaître la langue de Silésie, qui est un mélange du polonais et de l'allemand, mais qui n'est pas reconnu par les autorités. Pour des raisons politiques, parce que en Silésie, il y a aussi une association, un mouvement d'indépendance. Alors, ils sont très contre ça. Alors, mon collègue, il essaie de persuader le gouvernement de reconnaître ces deux minorités, mais il refuse absolument. Et parce que déjà, le gouvernement reconnaît quelques 16 minorités en Pologne. C'est difficile à croire qu'il existe 16 minorités en Pologne. Si on arrive en Pologne, on entend que le polonais, mais si c'est le cas. Mais de reconnaître encore plus de minorités, le gouvernement n'est pas ouvert. Et pour, comme vous avez dit, s'ils veulent écraser, oui, mais pas ouvertement. Le gouvernement a une relation difficile avec l'Union européenne. Il veut recevoir l'argent qui arrive, mais il ne veut pas toujours accepter toutes les lois de l'Union. Alors, il ne veut pas se montrer trop anti-progressif. Alors, oui, ce n'est pas ouvert, cette attitude. Mais en effet, vous avez raison, c'est très, en ce moment, à droite, là-bas. Et comment la population polonaise perçoit les Lemkoviens? Je ne sais pas, est-ce qu'il reste des souvenirs de l'époque de l'opération Mistu? Comment ils sont perçus? Oui, pour les anciens. Je n'ai pas vraiment parlé avec les anciens, mais avec les étudiants, j'en parle pas mal. Pour les jeunes, c'est quelque chose de nouveau. J'arrive comme ça, je suis étranger, j'arrive, je leur explique, dans leur pays, il y a une minorité qui existe depuis longtemps. Ils sont surpris, mais ils sont intéressés, ils trouvent ça mignon, ils aiment ça. Parce que pour beaucoup de jeunes polonais, ils ont une idée de la Pologne comme monolithe. Tout le monde parle polonais, tout le monde est catholique, tout le monde blablabla, tout le monde est blanc. Mais c'est pour eux, c'est encourageant de voir qu'il existe une diversité plutôt cachée en Pologne. Mais pour les plus âgés, les gens plus âgés, c'est oui, ils ont les souvenirs ou de leurs parents, par exemple, ils ont les souvenirs de la guerre. Ils ont toujours un peu peur de la Russie à l'est, de l'Allemagne à l'ouest, et d'être écrasés entre eux. Alors, il faut avoir, pour les gens plus âgés, il faut avoir l'unité polonaise absolue. Mais en général, une minorité qui existe en Pologne, c'est pas. Les Polonais ne se sentent pas menacés dans ce sens-là. C'est plutôt les immigrés, un peu là. Parce qu'en Pologne, il y a pas mal d'immigrés, on n'en parle pas, mais il y a pas mal d'immigrés ukrainiens. Mais ce n'est pas officiel. Ils travaillent sur le marché noir. Oui, les relations entre les Ukrainiens et les Polonais sont un peu difficiles. C'est plutôt cette migration économique qui trouble les Polonais plutôt que les minorités traditionnelles. Et aussi, il y avait le plan de l'Union européenne de mettre quelques réfugiés en Pologne qui a été absolument refusé par la Pologne. C'est surtout les immigrés qui provoquent des attitudes problématiques plutôt. Et les Lemkoviens, eux, n'ont aucune forme de revendication politique. Ils revendiquent pas, je sais pas, une autonomie culturelle, par exemple, ou quoi. Non. Ça existe vraiment pas en Pologne, un mouvement autonomiste, sauf. C'est pas trop fort, mais dans la Silésie, ici, ça existe. Mais dans les autres régions, non. Par exemple, dans la Kashubie, non, absolument pas. Ce sont des Polonais, ce sont des citoyens polonais. Ils parlent. Pendant la période communiste, c'était même pas une langue, c'était un dialecte du polonais. C'est juste après la chute du communisme et que le Kashub a été reconnu comme langue, mais non, il n'y a vraiment pas de sentiment autonomiste dans la Pologne comme ça. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est l'histoire des costumes, parce qu'en Union soviétique, les costumes ont plutôt été, on a encouragé les gens à cultiver, on a folklorisé complètement les cultures régionales, ouais. Et parfois ça a permis sous ce couvert, ça a permis aux gens de garder un petit peu de culture, quoi, sous l'apparence complètement folklorisée. Mmh. Or là, il semble que ça n'a pas été du tout ça, non. Que ça a été complètement exclu. Oui, ça a été défendu même. Partout, les minorités dont j'ai parlé, par exemple à Wielomowice, très, très historique, surtout pour les femmes, ce qu'elles portaient. Mais après la guerre, c'était défendu. Même la porte d'un costume comme ça, si vous portez ça dans la rue pour un festival ou quoi, un mariage, vous risquez d'être envoyé en Sibérie. C'était vraiment le cas. C'était défendu et les gens en avaient peur d'en porter. Alors, c'est maintenant que ça revient comme. C'est bizarre parce que là, on voit le costume, Lemkovien. Si ça existe dans la broderie, je ne connais pas du tout comment ça fonctionne, mais ça se voit comme c'est un rouchnik Lemkovien et pas ukrainien. Mais je ne sais pas trop comment, c'est très apparenté avec les costumes folkloriques d'Ukraine. Avec les chanteurs, on voyait presque les mêmes chemises. Mais en Ukraine, c'était permis. Mais en Pologne, non. C'était la mentalité totalitarienne des communistes en Pologne il ne fallait pas avoir de différence entre les gens. Il fallait écraser les différences comme ça. Mais c'est pour ça, c'est très, très, très important maintenant pour les jeunes et pour les personnes plus âgées aussi de porter ces costumes. C'est parce qu'ils peuvent faire ouvertement. Et c'est pas dû à la création de la Pologne après la Seconde Guerre mondiale, dans le sens où le pays a été décalé de 150 km vers l'ouest. Ouais. Et en fait, ils sortent. Et puis, cette hantise d'avoir des minorités, vu ce que ça avait créé dans Danzig et notre joyeuseté. C'est sûrement là qu'est le fond de cette culture polonaise monolithique. Mm-hmm. C'est lié à ce déplacement. Ah oui, oui. Hein. Oui. C'est... Il fallait. Dans un sens, il fallait recommencer à zéro avec l'État polonais, parce qu'il y avait à l'ouest, avant la guerre, c'était allemand. Et il y avait la population de l'est de l'Ukraine qui est venue à l'ouest. Par exemple, là où je travaille à Poznan, la plupart des familles, un grand nombre de familles, ils ont des grands-parents qui sont venus de Lviv, de Lvov, dans l'Ukraine. Alors, ils ont toujours. Ils sont polonais de l'Ouest maintenant, mais ils ont la mémoire de venir d'ailleurs. Mm-hmm. Alors, en Pologne, après la guerre, il y avait le folklore polonais, c'était permis, il y avait avec les costumes, mais que les Polonais. Il fallait, s'il y avait une identité folklorique, c'était que la polonaise, pas... Les Ukrainiens, les Biélorusses, les Kachoubes, non. C'était pour écraser les différences entre eux. Non, parce que souvent on oublie que le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans cette zone-là, c'était du nettoyage ethnique à grande échelle, quoi. Des transferts de population en masse. Mais ça on l'oublie, on a toujours nos cartes, on pense que tout ça ne bouge pas, mais c'est le départ. Et puis. L'influence française sur la Pologne aussi, hein, une nation, un État. C'est bien ça. Par exemple ici, c'est une carte qui marque la dispersion des Lemkovia, mais je peux vous montrer d'autres cartes qui montrent la dispersion des Polonais de l'Est, de l'Ukraine vers ici, des Allemands d'ici en Allemagne, les Ukrainiens aussi, partout dans la Pologne. C'était vraiment des millions de gens qui ont été dispersés comme ça. Ça marquait la mentalité. De cultures déterritorialisées, parce qu'en fait, ce sont des cultures qui ne sont plus attachées, ou des gens qui ne sont plus attachés au territoire dans lequel ils habitent, puisqu'ils ont tous été déplacés. Ils ont dû reconstruire une autre culture. Oui, c'est ce que j'essaie de dire, que la modernisation des Lemkovia, c'est un peu le fait d'être pas dans la région traditionnelle. Il a toujours le sentiment d'appartenir à la région d'ici, mais pas vraiment, parce que ici c'est mieux pour les descendants. C'est plus riche, quoi. Il y a plus de travail. Comme ça, les Lemkovia ou leurs descendants, ils sont contents d'être dans l'ouest de la Pologne. Alors, de revenir dans leur ferme difficile à cultiver, c'est pas évident pour les gens, surtout. Ils fonctionnent en fait comme une diaspora. Oui, c'est... C'est un peuple comme les Juifs. Il y a toujours un lien à une terre. On n'y revient pas, sauf certaines transmissions. Il y a un attachement viscéral à une terre, mais bon, on reste là où on est. Oui, c'est intéressant que vous avez remarqué ça, parce que avec les gens à Lublin, les Lemkovia à Lublin, les deux sœurs, elles ont fait la comparaison elles-mêmes avec les Juifs. De là-bas, d'être à Lublin, il fallait cacher, même récemment, il fallait cacher d'être lemkovien. Elles m'ont donné l'exemple de il y avait un lemkovien à Lublin qui dont une fenêtre a été brisée parce qu'il avait mis quelque chose là-dedans qui était lemkovien. Et les sœurs là-bas, ils m'ont dit c'est comme pour les juifs, il faut pas montrer que trop ouvertement qu'on est juif, il ne faut pas montrer qu'on est lemkovien. Et c'est récent, il y a 10 ans que ça s'est passé. Alors, oui, c'est ce que je disais aussi pour les lemkoviens, ils ont cette mentalité de minorité, mais ouverte vers le monde. Parce qu'il faut trouver des amis ailleurs que dans l'environnement un peu. Les mouvements de migration, là, je crois que c'est 1 million d'êtres humains qui migrent partout dans le monde en ce moment. Et en fait, ils sont très nombreux à migrer à l'intérieur de grands États, comme la Russie, par exemple. Les migrants, en fait, sont sur les frontières ou vont chercher une meilleure éducation pour leurs enfants, des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions climatiques, etc. Mais les 40 000 morts en Méditerranée, c'est très peu par rapport à la totalité des migrants qui en fait sont à l'intérieur de leur territoire et ne quittent pas les territoires mais vont aux extrémités où la vie sera meilleure pour eux et ils sont prêts à tout quitter en fait. C'est pour ça que ces histoires de migration, nous on fonctionne un petit peu je pense avec l'idée qu'un peuple est enraciné tout le temps sur le même territoire alors que les migrations ont toujours eu lieu. Et des fois c'est des questions économiques mais aussi des questions d'avenir des enfants, de meilleures conditions de vie. Sauf que dans ce cas, c'est les conditions modernes dont j'ai parlé, mais c'était la migration des lemkoviens après la guerre, c'était forcé. Ils leur ont donné un jour de faire leur valise et après, c'est passé. Et aussi, dans la dispersion, c'est aussi, il y avait la règle, c'était que dans chaque village où il y avait des lemkoviens, dans des villages polonais, c'était pas permis d'avoir plus de 5 ou 10% qui peuvent être lemkoviens. C'était une dispersion vraie pour assimilation entre les Polonais. Apparemment, on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci. Ce sera possible de mettre le PowerPoint. Si vous mettez maintenant, c'est à... je peux mettre sur le desktop. Non,